Coucou, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un nous entend? C'est un appel qu'on lance comme ça. Parce que là, on est en train de se demander, là, d'après ce qui se passe sur le forum, est-ce que la technique fonctionne ou pas? J'ai rien fait de spécial de mon côté. Et apparemment, ben, y aurait des personnes qui nous entendent pas. Non, mais c'est très bien, c'est génial, c'est l'émission Noise qui fait du silence. Ah oui, ça c'est une nouveauté, ça. Mais si on fait effectivement du silence, il n'y aura personne pour nous entendre. Mais ils nous entendront plus tard. Oui, nous entendrons après. Voilà. Alors, et c'est toujours... Alors, là, c'est un morceau qui n'est pas sous licence libre, mais ça, c'est dû, en fait, au site où ça a été mis, qui ne connaît pas ce genre de choses, à la personne qui n'en a jamais entendu parler. Mais vu le genre de musique qu'il fait, je pense, et qu'il m'a donné son accord pour... il m'a dit que je peux diffuser tout ce que je veux dans l'émission. Ouais. Il est au courant. Bon, j'ai quand même expliqué pour les licences et que l'émission était téléchargeable gratuitement et que les gens pouvaient la re-télécharger vers d'autres personnes, que ça circulait comme ça. Ça lui pose pas de problème. Alors, il s'appelle Hava. Alors, le site pour trouver tout ce qu'il fait, alors, je peux vous dire que c'est pas piqué des hannetons. Alors là, je peux vous assurer que là, vraiment, le voisin va souffrir. Le voisin va vraiment souffrir cette fois-ci. Ouais. Alors, le site www.mixery.net/hava. H-A-A-V-A. Voilà. Hava, qui veut dire une onde ou une vague, hein, le même sens que wave en anglais, mais c'est du finlandais, du finnois. Mm-hmm. Alors, le morceau s'appelle, ne me demandez pas de traduire, Turhautuneiden tunteiden terda. Voilà, c'est un peu difficile à dire, hein, quand on parle une langue étrangère, quand on doit lire une langue étrangère que l'on ne comprend rien. C'est pas du cobayen, là, c'est pas du magma, hein. Non, c'est du finnois. C'est du finnois, oui. Et il fait beaucoup de musique extrêmement bizarre, extrêmement space, où là, vraiment, les oreilles du voisin, je sens que là, cette fois-ci, il va y avoir quelque chose de plus, un petit additif qui est souvent en cire, en silicone ou en mousse. Hein. Vas-y, gloupe, on envoie ces ondes sonores qui nous viennent tout droit de Finlande. Du Grand Nord. Le pays du Père Noël. Ouais, le pays du Père Noël et du cercle polaire. Et des rennes. La musique froide du Nord. Les hirvi, c'est les rennes. Ah bon ? Je croyais que c'était des fricadelles. Bye. reste quelque part dans les oreilles. Ça pousse comme bien. Music noise, ça veut rien dire. Voilà ce que Monsieur Piggy Pop vient de m'expliquer. Ah ben, c'est pourquoi vouloir absolument dire, hein, ça, on s'exprime comme on veut. Hein. Ouais, mais bon, tu sors ça du contexte. Il y avait tout un contexte. Ah oui, ben, bien sûr. Je suis une mauvaise langue. Je suis une langue de chevet. Je sais bien connu. Ouais. Ah ben, je vais d'ailleurs faire aussi du noise là à l'instant. Non, mais c'est parce que, en fait, Gloop. Je suis en train de m'encaféier le gosier, là. Gloop, que je ne connaissais pas avant ce soir, sauf par ses productions, il lui arrive de faire de la noise, mais il lui arrive aussi de faire des comptines enfantines, donc il travaille sur un registre assez varié, quoi. Ben, je me préoccupe pas, hein. C'est-à-dire que c'est au moment où je dois mettre en ligne, tiens, c'est quoi comme genre ? Ouais, là que je me pose la question, et c'est parfois un casse-tête. Voilà. Oui. Et encore sur Domoisic, il y en a beaucoup de choix, parce que je peux vous assurer, sur nos labels, pour classer mes morceaux, dans certains cas... Difficile. Oui, oui. Ils n'ont même pas chanson. Même pas ça, chansons françaises, ils connaissent pas. Alors résultat, bon bah, j'ai classé dans folk bon, la, limite... la complainte des pianos à défaut d'autres choses. À la limite, qu'ils connaissent pas chansons françaises, c'est pas bien grave parce que la chanson française quand même. Hein. En Autriche, oui. C'est un site autrichien. C'est un site autrichien, c'est pour ça. La chanson française, c'est pas grave. Chanson francophone, bon, c'est d'ailleurs un genre que je mets souvent par défaut aussi. Oui, oui, oui. Bon, parce que bon, je sais pas comment appeler les choses. Ce sera enregistré, non, c'est enregistré. J'ai complètement déconné sur mon dernier post sur le forum. Je rappelle que je ne suis pas sur le chat et qu'on ne sait même pas si on nous entend sur... pendant qu'on fait du bruit, que si serait, ouais, tout le monde ne capterait pas, tout le monde ne capterait pas du silence, ou si c'est seulement un auditeur. Aucune idée. On ne sait pas si ça vient, d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Nous faisons une émission. Nous sommes dans le brouillard. De toute façon, elle sera podcastée, donc elle sera vous pourrez nous entendre nos charmantes voix d'ici peu. Ouais, ma charmante voix fluette. Sauf qu'on a raté l'enregistrement du début de l'émission, il faut pas le dire. Ouais, mais c'est trop tard, c'est dit, ils le remarqueront de toute façon. Ils le remarqueront. On va rattraper ce qu'on peut, hein, on remet en moins les morceaux. Hein. Et donc, nous avons... De toute façon, hein. Ephemera Syndicate. Ouais. Alors, je me souviens plus trop bien ce que c'est ça, mais à mon avis, ça dépote pas mal. Hein. Ça dépote. Ouais, il me semble. À moins que je confonde avec un autre du même album. Petit mais... extrait. Voilà, ouais, je crois que ça. Ça alors, a l'air, je me demande si c'est pas des Russes, ça. Si c'est pas des Russes. Ouais, je sais plus trop, il faudrait qu'on regarde sur Clinical le. Clinical Sound Volume 2. CA 024 Various Clinical Sounds Volume 2, c'est le net label Clinical Archives Creative Commons net, oui. Alors qu'est-ce que bon, on va aller on va glisser, on va regarder, on va faire un copier. Tu veux que je te tienne ta tasse, un coller, non, j'arrive à faire non, contrôle Z, un copier. Copier, voilà. Voilà, un petit coller. Un coller, mais au bon endroit, cette fois-ci. Pas à la place du texte qui suit, mais dans la fenêtre du navigateur. On y va, c'est une seule main. Parti, mon kiki, mais de toute façon, c'est une compile. Hein. Ah bah ça... Eh bah, c'est raté. Ah oui, ah bah c'est peut-être parce que j'ai qu'une main que mon lien est faux, alors. Non, ça devrait aller. Alors... Ephemera, on va chercher Ephemera, alors dogmasic.net, il y a un champ recherche, c'est bien ça le champ recherche, alors... Ephemera, Syndicate, ouais, vas-y lance, on verra bien. Non mais je sais pas pourquoi. Voilà, il y en a qu'un seul en plus. Pourquoi c'est un morceau. Oui, mais c'est une compile, je sais même pas, je crois. Pourquoi, je sais pas pourquoi je crois que c'est des Russes. Non, mais je crois que je confonds avec un autre. Un copier, et on va remettre le bon lien à ce moment-là, à la place de, à la place de celui qui est faux, qui n'a pas voulu s'ouvrir. Oui, bon, ben, je vois pas la différence. Vas-y, remets la page de... La page Dogma qu'on voit. Voilà, je remets la page, voilà. Moscou, comme... Russie. Ah oui, c'est des Russes. Ouais, Clinical Archive. Il y a même un commentaire d'un certain Mr. Piggy Pop qui trouve ça good. Ouais, good. C'est de l'alsacien. Il y a good, good en alsacien, good. Oui, mais c'est. Mais c'est non, mais ça, sinon, c'est... il y a encore des gens qui vont dire que l'alsacien, c'est comme l'allemand. C'est comme l'anglais. Ben non. Ouais, ok. Bah oui, j'ai choisi des morceaux que je connaissais un peu et que. Ouais, ils ont une page aussi, toute une page de téléchargement sur archive.org. Sur archive.org. C'est des Russes, on n'en sait pas plus. Voilà, des Russes. C'est des vieux, des papis. Qui font du bruit. Ah si, là, il y a peut-être quelque chose à lire ou à dire. Regarde voir. C'est des notes. Mais c'est lequel alors? Bon, ça y est, le num Ephemera, alors 202, Ephemera Syndicate. Descend. Ouais, on papote un peu finalement. Hein. Ephemera, oh là là, il y a plein de trucs à lire. Contrôle F. Ephemera Syndicate. Il est là. Voilà. Ah, on l'a trouvé, ça y est. Super. I'll show you the reality for the people who pretend not to see. Where je vais vous montrer la réalité pour les gens qui prétendent ne pas voir. Et puis pour ceux qui prétendent ne pas entendre, d'ailleurs aussi. Donc t'es fort, t'es fortiche, Gloop. Hein. Où tu vois ça où? Ah oui, je vois le début, ouais. And it is a small action as a whole funeral to a lot of happiness. Attendez, j'en reviens à... Donc c'était numéro 102, normalement. Ouais, non, alors, pas du tout. On est paumé, plus bas, plus bas, plus bas. Contrôle F. Ça c'est l'émission, voilà, l'émission. Éphéméra... C'est l'émission non diffusée, silencieuse. Alors, F, G, W, B, F, G, B, est un message de... rule that looks violent. Ils ont, ils ont des pages sur MyPouf. Sur MySprouts, là ouais, le mot qu'on n'ose pas dire chez Dogmazic. Oui. Oh, les méchants. Ils ont un Sprouts. Les méchants russes. Bon, bah, on va les écouter quand même. Hein. Oui, c'est un message. Donc, rule that looks... Rule, c'est... Mais qu'est-ce qu'on traduirait ça? Là, je cale un peu à cause de la formule. Non, mais... Tant pis, hein. Bon, tant pis pour le message. Hein. Ils ont un MySpace, alors on va expédier un... Non, gloop, trop tard. Ça y est, je vais me faire lyncher. Tu vas te faire lyncher, là, c'est fini. Oui, tu vas être exclu de Dogmazic. Ah oui, je vais être banni de l'Internet, même. Ouais, probablement, ouais. Alors... Une plainte va être déposée chez OneAdobe. Ah, chez Wanazouf. Wanazouf, allez, lance la zik maintenant. Let's go. Eh ben, on était en train de rechercher, de s'occuper déjà de des informations sur le morceau suivant. Du coup, qu'est-ce qui vient de passer là ? C'était donc Ephemera Syndicate, donc sur donc en Russie, et nous restons sur le même label. C'est Various Clinical Sound. Une compile. Oui. Alors ça. Donc le morceau de musique. Ah, le morceau de musique qui n'est plus sur l'archive apparemment, ce même n'est plus directement sur cette modulo tron. Hein, apparemment, il n'est plus sur Dogmazic. Ça, alors. On dirait. Effectivement, non, il reste Arctic 1B, 6INI05, Brume, Ground A et No Name compositeur. Alors c'est un plus, je vais vous épeler ça, c'est très compliqué, hein. Alors c'est un nom qui est absolument imprononçable. Donc je vais vous le l'épeler, le morceau. Alors, le nom de l'artiste. Alors la première lettre, c'est pas une lettre, c'est le plus avec un moins en dessous. Deuxième lettre, c'est la puce, un rond. Donc sur quand vous êtes sous WinZob et que vous avez un pavé numérique, vous faites CTRL, vous appuyez sur la touche 7 du pavé numérique, vous relâchez le 7, vous relâchez la touche CTRL, ça vous fait la puce. Et ensuite, le coin, la troisième lettre, c'est le coin, alors en haut à droite, mm-hmm. quand on fait les tableaux. Puis le point, ouais. et puis et de nouveau le coin en haut à droite. Coin, coin. Voilà. Alors, plus, donc, moins, plus, coin, coin, point. Coin, point, coin. Voilà. C'est un musicien électronique basé à Nancy. Dans l'Est. Oui, en France. Et oui. Et pas en Russie cette fois-ci. Non. Mais c'est le même label quand même. Ouais. Et Gloop, tu peux me dire pourquoi je m'entends dans les haut-parleurs là ? Parce qu'on passe dans les haut-parleurs. Moi aussi je m'entends, c'est normal. C'est normal. C'est fait pour. Ok, donc on écoute Modulotron par... Enfin, par... par plus, moins, plus, coin, coin, point, point. Point, point, coin. c'est imprononçable. Celui-là, au moins, on sait qu'il n'est pas passé par un directeur marketing, parce que là, on lui aurait fait changer ça. C'est très graphique, mais c'est imprononçable. Voilà. Et je présume que c'est sous la même licence, d'ailleurs, Creative Commons by NCND 2.5. De toute façon, comme on sait qu'on n'est pas entendu par personne, on s'en fout. Oui. Non, on s'en fout pas. Non, on s'en fout pas parce qu'on sera entendu en ouais, différé. Même au Honduras. Alors, un petit double-clic. On n'a pas encore essayé ça. Non, essaye. On va essayer le double-clic. Voilà. Thank you. Et cette fois-ci, le silence ne faisait pas partie de la composition, pas plus que le coucou d'ailleurs tout à l'heure, hein, qui est venu juste avant. Modulotron par plus moins puce coin point coin, on va le dire comme ça quoi. Je sais pas, ouais, c'est peut-être un truc, tu sais, une. Oui, enfin bon, ça, il y a peut-être égyptien, ouais. Il a écrit en hiéroglyphe. Bon, c'est du Haxor, tu oui, sais, hackers, JIC, machin, langage. Oui, enfin bon. Bon, on s'en fout. On s'en fout, on sait pas le prononcer. Voilà. Mais on sait prononcer pour sa musique. Absolument, absolument. Et puis nous et c'était un gars de l'Est, comme nous. Oui. du grand Est. Du grand Est. Du grand Est de la France. Hein. Voilà. Les mystères de l'Est. Les mystères de l'Est. Un des mystères. Attention, ça c'est ça, c'est misé, faut pas trop en faire. Hein. Mais ouais, arrête, écoute, c'est pas possible. Tu déroges à toutes les règles. Ah ouais, ouais, ouais. Là, je leur ai volé de l'argent, là, à l'instant. Je leur ai volé de l'argent. Bon. Orient Express, bah oui, en plus, Orient Express, on reste dans les histoires de train à vapeur, un peu, quelque oui, part. Oui, et puis là, de en fait, au départ, moi, je pensais que ce type était russe, quoi. Bon, alors, son nom, c'est Necrosalad. La salade morte. Et l'album s'appelle Live à Kolyma. Live in Kolyma. Et Kolyma étant une ville de Sibérie, je pense, où il devait y avoir un goulag dans le temps, si je me souviens bien. Enfin, d'après ce que j'ai vaguement lu. Mais finalement, Necrosalad, qui a fait un live à Kolyma. Ah, il y a un site en Belgique. Antisocial.be. Oui, oui, c'est le label. Pourquoi il redirige sur Antisocial? Est-ce que le morceau. Live in Kolyma. Ah oui, bah c'est voilà. Ça, oui, c'est le label Antisocial. C'est nos amis belges du label Antisocial. On peut. Kolyma, ouais. Si, je vais vous lire. On a le droit de les citer, je suppose, parce que c'est oui, sous une licence Creative Commons by NCND 3.0. Donc je dois lire le texte tel quel sans rien changer. Voilà. Kolyma est situé à l'extrême est de la Russie. C'est ça. La région s'est rendue tristement célèbre en devenant une destination majeure de déportation pendant la dictature de Staline grâce à ses qualités, enfin si on peut parler de qualité, d'isolement et de climat extrême. Une maxime connue dans toute la Russie disait « Kolyma, Kolyma, ô planète enchantée, l'hiver à 12 mois, tout le reste c'est l'été. » On va essayer en musique. Bienvenue dans le pays de la mort blanche. Allez, en musique. 1, 2, 3. Kolyma. Kolyma, Kolyma, Kolyma, ô planète enchantée. L'hiver à 12 mois. Oui, j'ai perdu le fil. Tout à 12 mois, tout le reste c'est. Bienvenue dans le pays de la mort blanche. Ah ben pour un truc qui est en bas INCND, là on l'a bien massacré. Hein. Voilà, donc notre ami Necrosalad, édité sur un label belge Antisocial. Qui a d'autres productions sur Dogmazic. Hein. Elle est donc allée au fin fond de la Sibérie pour y enregistrer un live. Donc se produire en public. Oui, bon, c'est ce qu'il dit. Hein. En fait, c'est pas tout à fait vrai, mais on s'en fout aussi. Une fois de plus. C'est des rires enregistrés. Oui, comme non, je sais. Non, je crois pas qu'il y ait de rire. Non, non, non, non, il y a pas de rire. C'est sérieux. Rire. C'est sérieux. Hein. Ça, c'est sérieux. Ça. Okay. Ouais. Et donc nous allons être nouveau dans le collimateur du voisin. Avec ceci. Ça, il va aimer le voisin. Ah oui, oui. Ouais, oui. Beaucoup. Hein. Je crois que cette fois-ci, il va rajouter le bruit par-dessus les bouchons d'oreilles, il va rajouter le casque anti-bruit. Ouais, ouais, là, c'est situationniste à fond. Et vous avez bien entendu reconnu la locomotive à vapeur, le chemin de fer et tout ça. Hein. L'Orient Express, ça exprime tout à fait cette idée. Ouais, ouais. Et ça a été ouais. enregistré en live à Colima. En Sibérie. En Sibérie. Et donc par un ancien donc, qui a fait un long voyage, et c'est sans doute cela qui l'a inspiré, quoi, tout ce déplacement. Il a délocalisé sa musique, son enregistrement, ouais, ouais. et puis avec certainement un public enthousiaste. Ouais, bon, en fait, je crois savoir que le Café des Sports à Colima organise régulièrement des soirées noise pour égayer un peu les 12 mois d'hiver qu'il y a là-bas. Oui, les 12 mois d'hiver. Les militaires russes aiment bien ce genre de musique et d'expérience. Oui, bien sûr. En général, ils prennent un peu de quelques amanites phalloïdes avant et oui. beaucoup de vodka. Et nous allons également, en plus de nous en prendre plein les oreilles, là, apparemment, c'est fait pour s'en prendre plein les yeux ce qui vient. C'est le violent coït oculaire par Hubert Lulu. Son album s'appelle L'araignée au plafond. Enfin, chez nous, il n'en reste plus beaucoup au plafond parce qu'à force que le voisin il nous tape après, elles sont toutes tombées. Hein. Ouais. Le plafond, là, il est, y a des bosses, des creux partout. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a à dire d'ailleurs là-dessus hein. Enfin, s'il faut vraiment trouver quelque chose à dire. Il y a à dire que ça va être très court. Hein. Oui, c'est pas grave. Hein. Non, pas du tout. Creative Commons by NCND 2.5. Hein. Donc pas d'œuvres dérivées toujours. Il ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi. Il a bien raison d'ailleurs. Hein. Parce que bon, c'est bien connu. Actuellement, les agences de publicité n'ont plus les moyens de se payer des bruiteurs pour imiter. Alors, ils vont chercher dans la musique bruitiste des samples. Ouais. Hein. Mmh. Et après, ils vont encore engueuler celui qui a osé sampler leur publicité, alors que c'est non, ils en sont capables. Hein. Bien sûr, ils sont capables de tout. Ah. Alors voilà, Hubert Lulu. Le violent coït oculaire, mettez bien vos lunettes de protection parce que là, ça. Aïe aïe aïe, ça fait pas du bien hein, de se prendre quelque chose comme ça sur les yeux. Hein. C'est déjà fini. Ben oui, oui. Vous avez dit, ça coupe d'un coup. On s'attend pas à ce que ça s'arrête et d'un coup ça s'arrête. Ah bah purée. Et bon, pour en savoir plus sur Hubert Lulu, rendez-vous sur Dogmazic, artiste Hubert Lulu. Voilà. Alors on va taper Pleasure. On va plutôt chercher sur le titre pour faire une recherche parce que ce n'est jamais évident quand on fait une recherche sur des initiales. Ah ouais. Vu qu'on a trois lettres isolées, donc on va en avoir Mister Piggy plein renifle, de réponses. Mister Piggy Pop renifle. Oui, oui. Ah bah c'est le deuxième. C'est, oui. Oh bah ça alors, il n'y en a que trois. Incroyable. Il n'y en a que trois qui ont du plaisir en anglais. Non, je me demande si c'est pas moi qui l'ai sélectionné celui-là. Je me souviens plus. Ah, bon. Je ne suis pas sûr. On se demande si c'est Gloop ou moi, ou moi, on ne sait plus trop. Il a 11 morceaux. Il est à Lille. Il est à Lille ? En France. Arrête. Pas en Ouzbékistan, non. À Lille. Transformer le quotidien en bruit, virgule, l'apprivoiser, point de suspension. Ah bon ? Et apprivoiser le bruit, pourquoi faire ? Pour faire du pleasure. Pour pouvoir le caresser. Pour faire le pleasure. Ah oui, on va le caresser. 7 minutes 10 de pleasure. If I could be in a quiet place, si je pouvais me trouver dans un coin tranquille... Alors, bon, ça c'est un truc dont il faudrait qu'on parle un jour. Je ne suis pas sûr que la musique ce soir, ça, que le voisin trouve que la place soit tranquille ce soir. Tu crois pas qu'on devrait faire une, comment dire, tu vois, dogmatique culture, un peu comme France Culture, tu vois, on pourrait parler de choses hyper intéressantes comme pourquoi des artistes français choisissent-ils des titres anglais pour leurs morceaux. Tu bah, vois parce un peu qu'ils imitent, parce qu'ils ont pu faire d'autres. Hein. La problématique, tu comprends la problématique. Non, je cherche pas à comprendre. Moi j'écoute, c'est tout. Allez. Bon, on écoute, ouais. C'est tout. On y va. Thank you. Oh yeah, that was a pleasure. Un plaisir que nous a offert KND, If I Could Be in a Quiet Place. C'était effectivement assez calme, là. Mm-hmm. Hein. Ouais, très cool. Et nous avons, bah, on va terminer, on va bientôt finir. Là, on s'approche tout doucement de 21h. Hein. Pleasure sous Creative Commons by 2.5. J'avais oublié de donner la licence. By 2.5, c'est quasiment domaine public. Quasiment. Ouais. Et nous allons ensuite ouvrir le gaz. Ça, c'est la suite, le morceau que nous avons prévu. C'est Violet ou Violet, je ne sais pas comment on prononce. Bricks and Bullets. Non, Bricks and Bullets. Ah oui, ça, c'est le site qui... Hop, je corrige tout de suite. Bricks A... And Bullets, avec l'esperluette. Bullets. Oui, enfin, c'est des briques et des bullets, quoi. des bulots. c'est des briques et des petites bulles. Des petites bulles, ouais. Sur du net label arteria.org. Ouais. Je connais pas, mais enfin, je le donne pas. Je me demande si c'est pas un argentin, peut-être. Je crois que c'est peut-être un gars de... Un morceau qui viendrait... Comment ça s'écrit de nouveau ? Morceau qui viendrait d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, j'ai perdu ma fenêtre, je suis dans un... ça s'écrit Arteria, voilà. Arteria.org. C'est donc une organisation. Una asociación. Une association. Die Herzliche Musik Mikrolabel. Ah, c'est et c'est écrit tout en anglais. On sait pas d'où ça vient. Regarde voir dans la liste des artistes là. La liste des artistes. Release artiste. Là-haut. Non, là, artiste. Artiste. Ah oui. Oui, quoi. Ah, j'avais pas vu que c'était des liens. Notre amie Violette, elle est encore là, tout au bout. American Noise Drone Maker. Oui, l'Amérique du Sud, c'est aussi l'Amérique. Hein. Ouais, non, mais je me trompe probablement. Oui. American Noise, c'est un drone maker, c'est un faiseur de bruit de drone. Oui, de drone et de drone, oui. De bruit à base de drone. Ah. Et qu'est-ce qu'on a comme information ? C'est tout en anglais. Ouais. C'est écrit en schmilblick. Il y a même une vidéo, dis donc. Une vidéo, est-ce qu'elle est sous licence libre ? Est-ce qu'on peut la passer ? Violet, live. Oh. On passe un petit bout. Allez, essaye. On va essayer. Allez. Allez. Ah oui, c'est à peu près ce qu'on doit passer d'ailleurs. Hein. Ça ressemble un peu. Hein. Ouais, je crois, ouais. Et c'est à peu près le morceau qu'on a sur cette vidéo. Plus donc, ou moins. C'est sous licence libre. Donc sous une licence by également, la même licence d'ailleurs, c'est de 2006. 2006, ah oui, donc ça commence déjà aussi à être vieux pour de la musique libre. Ouais, donc le morceau s'appelle Gas, l'artiste s'appelle Violet. Ou Violet, si vous préférez prononcer. Violet, voilà, prononcez la L'album française. S'appelle Bricks and Bullets. Briques et bulettes. Oui. Des petites bulles. C'est mignon ça, les petites bulettes. Oui. C'est pour ça qu'il faut du gaz. Oui. Ouais. Ou des bulles dans les briques, peut-être. Ah oui, c'est peut-être. C'est peut-être pour emballer la maison, pour la protéger quand on va l'expédier par la poste. Voilà. Tu as dit voilà. Je l'ai dit. Je m'en suis rendu compte. C'est pour ça qu'il y a eu un blanc. J'ai dit le mot qu'il fallait pas. C'est moins grave que le gros mot tout à l'heure là de la plateforme américaine remplie de publicité. On termine par ça alors ? On termine. On salue nos aucun auditeurs qui n'ont pas pu nous suivre peut-être parce que on sait pas pourquoi. On salue également tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous écouteront, qui nous écouteront pour quand je parle maintenant, qui nous auront écoutés pour quand j'ai parlé avant. Ouais. Une fois que ça va être en enregistrement. Ouais, c'est limpide. Et donc, voilà. Très bien. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Je mets le gaz.